Bonjour et bienvenue dans la sixième séquence du cours sur l'économie du document. Cette séquence est consacrée à l'économie du web. En réalité, compte tenu de l'ampleur du sujet, nous allons décliner l'économie du web sur deux séquences, celle-ci et la suivante. Pour cette séquence, je me suis appuyé sur l'avis de plusieurs experts que j'ai intégrés dans le billet de la séquence. Chaque fois que c'était possible, j'ai récupéré des documents de façon à ce que vous puissiez les annoter et donc en discuter entre vous et avec moi. Nous nous servirons aussi de ressources déjà récoltées sur ce cours, notamment deux billets réalisés par certains d'entre vous et bien sûr l'analyse collective du diaporama que vous avez réalisé il y a déjà quelques séquences. Cette séquence et la suivante seront aussi consacrées à la poursuite des discussions sur vos billets publiés sur le blog, et les derniers publiés concernent justement l'économie du web. Une nouvelle fois donc, les matériaux ne manquent pas pour alimenter notre réflexion, donc bonne lecture et bonne discussion.